On va refaire un. Dans le même style. Métronome là, j'ai démuté le métronome. Moi. Il me faut de la batterie là. Tu me remets de la batterie là. Ok. Ça soit bien synchro. Ah là ça va mieux là. La sucette à cancer. Oui, on avait compris.